La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, François Julien, un chemin de traverse. François Julien est la superposition quantique d'un philosophe, d'un helléniste et d'un sinologue. En d'autres termes, dont je ne garantis pas qu'il soit beaucoup plus clair, sa vie intellectuelle pourrait se laisser représenter par un vecteur d'état très particulier au sein d'un espace de Hilbert peu fréquenté. Car voilà un homme qui suit un chemin singulier, qui brouille inlassablement les lignes de démarcation, qui travaille entre telle discipline et telle autre, entre tel idiome et tel autre. On pourrait dire qu'il passe son temps à faire de la balançoire. De la balançoire entre des pôles qui entretiennent en général d'intenses relations d'indifférence. Cela lui permet de déjouer la conjuration des habitudes de pensée. Jeune normalien, il décidait déjà de partir en Chine pour déranger la pensée européenne, la sortir de ses rangements matriciels et de l'ornière de ses questionnements. Au fil des nombreux essais qui suivirent ce voyage inaugural, François Julien a effectué toutes sortes de pas de côté. Il a continué de circuler entre l'Europe et la Chine, bien sûr, mais aussi entre la science et la philosophie, entre l'assigné et l'évasif, entre le temps des horloges et les temporalités de l'existence. Son exploration de l'antre est devenue si féconde et si parlante que j'ai tenu à l'inviter pour mener avec lui une conversation scientifique évidemment, mais tout aussi évidemment pas que. Bonjour François Julien. Bonjour. Alors je pourrais passer plusieurs minutes à citer le titre de vos nombreux ouvrages. Il y en a trois qui sont d'actualité. Le premier s'intitule « De l'écart à l'inouï ». Il est écrit par vous-même. Le deuxième est écrit par vous-même encore plus, si j'ose dire. Il s'appelle « L'inouï ». Et puis, il y a un livre qui vous est consacré, qui a été écrit par Jean-Pierre Bompier et qui s'intitule « Pensée par écart, le chantier conceptuel de François Julien ». On a l'impression que votre production s'accélère. Non, c'est mon rythme, c'est ma respiration. De l'écart à l'inouï, c'est en fait une présentation de mon chantier. C'est la reprise. La forme d'un dialogue. Du cahier de l'herbe, oui, d'un dialogue fictif. Il y a un dialogue avec un lecteur qui sera lecteur attentif. Ah, c'est vous qui avez écrit les questions. Ah oui. Oui, oui, j'ai fait tout le montage. Et j'imaginais un lecteur qui puisse, disons, oui, qui soit attentif, ce qui est rare quand même, et qui m'interroge sur ce chemin de pensée qui est le mien et les difficultés rencontrées, les obstacles comme ça survenus. Et au fond, ce que je cherche, non pas de livre en livre, mais de chapitre en chapitre, puisque tous mes livres sont en fait dans une sorte d'enchaînement continu. Donc vous avez retracé un peu l'interrogation de fond. Et puis bon, ce livre sur l'inouï, qui est lui, qui essaie de porter à la pensée, de porter au concept, ce terme d'inouï, qui me paraît un terme pouvant sortir de tous les rangements, de tous les cadrages, et faire entendre ce que peut être une possibilité de pensée audacieuse, aventureuse, bref. Celle que j'essaie de formuler. Ah, c'est une pensée qui rayonne. Vous êtes l'un des auteurs contemporains les plus traduits. Est-ce que vous êtes facile à traduire? Non, très difficile. Parce que vous avez une langue qui joue un peu avec les mots, qui les manipule, qui les reformate, qui les interroge. Tout à fait. Et surtout, j'essaie de faire entrer dans la langue, la nôtre, la langue française, ceux qui ne s'y entendaient pas. Autrement dit, son inouï. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au chinois. Parce que l'écart des langues, sortir de la langue européenne, sortir de la langue indo-européenne, donc ne plus remonter du latin au grec au sanskrit, implique effectivement de défaire la langue, c'est-à-dire de la refondre au sens de, de défaire les séparations sémantiques qui sont pour nous tellement assimilées qu'on ne les voit pas œuvrer, mais qui sont, disons, les clivages de notre pensée. Et donc, on me dit que je suis déjà pas très facile à lire en français, difficile à traduire en langue étrangère, parce que il faut réinterroger la langue pour l'ouvrir à ce qu'elle ne pensait pas. Et donc, ça implique de justement travailler dans l'antre des deux langues, pour non pas transmettre le message d'une langue de départ dans une langue d'arrivée, mais déborder la langue d'arrivée pour qu'elle puisse s'ouvrir un tant soit peu, le mieux possible, à ce qui s'exprimait dans la langue de départ. Et vous êtes, je le rappelais, parti en Chine pour apprendre la langue chinoise. Donc j'imagine que vous lisez les traductions de vos livres en chinois. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que vous... Non, ça m'a désarmé ou disons apeuré au départ. Parce que j'ai un certain nombre de livres traduits en chinois qui sont traduits par des personnes qui disent qu'ils savent bien le français, mais qui ne sont pas du tout philosophes, donc qui ne cherchent pas à rendre du sens, mais qui traduisent littéralement. Donc, c'est le pire. Et depuis, j'ai changé de stratégie, j'ai fait appel à une personne très amie qui, elle, fait l'effort, et c'est beaucoup plus un effort, je crois, de me traduire en chinois que moi d'écrire en français. Mais est-ce qu'on peut sortir de sa langue ? Vous écrivez, on pense en langue, comme si la langue charriait avec elle toutes sortes d'a priori clandestins. Est-ce qu'on est capable de s'en extraire autrement qu'en allant ailleurs apprendre une autre langue ? Je pense qu'effectivement, une autre langue ne s'imagine pas. Et je le dis notamment par rapport à ce qu'a été la déconstruction de la philosophie à la fin du XXe siècle. Chez Heidegger, chez Derrida, chez Levinas, tout ce mouvement-là, qu'est-ce que pourrait être une autre langue ? Qu'est-ce qui serait une langue qui ne serait pas de l'être ? Je crois qu'une autre langue ne s'imagine pas. C'est un peu la réponse que je ferais à Derrida. Il s'agit de... Ça ne s'imagine pas, il faut donc l'apprendre, apprendre une autre langue. Et j'ai choisi d'apprendre le chinois, justement, parce que ce n'est pas une langue qui articule l'être, parce qu'elle n'est pas de notre famille de langues, elle n'a pas cette connivence des langues européennes entre elles, et donc elle exige un apprentissage qui est aussi un décadrage, un déphasage, un ébranlement de la pensée. C'est même plus fort que ça, vous dites dans ce livre que je citais tout à l'heure, vous dites que vous êtes fait externer à Pékin. Oui. Externer, mais externer de quoi ? Vous étiez jeune philosophe à l'école normale, de quoi fallait-il sortir pour penser autrement ? Ben, je pense que j'étais helléniste et il y a ce qu'on dit, qu'on répète, sans doute à juste titre, nous sommes héritiers des Grecs. Mais que sait-on de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti ? Et donc j'ai fait le choix de passer en Chine, d'apprendre le chinois, d'aller à Pékin, à la pire époque d'ailleurs, pour bien justement pire voir époque dehors, politique, vous voulez dire ? Oui, la pire la époque La fin politique. De la révolution culturelle. Oui, l'extrême fin avant et après la mort de Mao. Les 75, 76, 77, donc le grand tournant. Pour essayer de, ben justement, de me confronter à une autre langue et de prendre du recul à l'égard de notre langue. Donc, non pas du tout par désintérêt pour la pensée grecque, au contraire, pour ouvrir un écart qui me permette de repenser la pensée grecque d'un dehors, du dehors chinois, et donc de l'interroger dans ce qu'elle n'interroge pas. L'interroger dans ses plis implicites. Ce n'est pas que la langue détermine la pensée, comme on a souvent dit. Non, c'est que la pensée exploite les ressources de la langue. Et donc, nous pensons en langue. Donc, et quand je dis la pensée chinoise, on va parfois attaquer là-dessus. Je n'en fais aucune mystique, c'est la pensée en chinois. La pensée grecque, c'est la pensée en grec. C'est tout. C'est que les pensées s'expriment dans des langues et que l'écart entre les langues est une chance de la pensée. Car au lieu que les langues coïncident totalement l'une avec l'autre, non, il y a des débordements, il y a des écarts, et ces écarts sont des prises pour la réflexion. Alors Wittgenstein, je ne sais pas si vous êtes proche de Wittgenstein, mais il écrit quelque part dans une de ses lettres, « Dans notre langage est déposée toute une mythologie ». Oui, bien sûr. Ça vous va, ça ? Toute une mythologie, oui, oui, oui. Et toute une mythologie, c'est une mythologie qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire que ce qui fait problème, ce n'est pas... seulement qu'on pense en langue, c'est le fait que pensant en langue, on ne pense pas ce à quoi on pense, on ne peut pas déborder de ce qui se trouve, non pas comme un cadre vraiment, ce serait trop limitatif, mais disons, impliqué dans la langue. Oui, mythologique, idéologique aussi. Tout ce qui se trouve donc enregistré, assimilé dans la langue, et donc qui ne se pense plus. Car il y a ce qu'on pense, et puis ce qu'on pense à penser. C'est ce que vous appelez l'impensé, ce à partir de quoi on pense, et que par là même on ne pense pas. Oui, ce que je ne désignais pas d'ailleurs sur un mode dramatique. Non, effectivement, on pense à partir d'eux. À partir d'une chose qu'on ne pense pas. Et donc cette stratégie que j'ai esquissée entre pensée européenne et pensée chinoise, c'est justement pour essayer d'élaborer des prises obliques sur notre impensé. On ne peut pas, disons, penser son impensé. Il n'y a pas de méthode pour cela. Mais on peut aménager des ruses, comme dirait Nietzsche. Enfin, des stratégies obliques, indirectes, qui permettent d'organiser des vis-à-vis réflexifs qui commencent à avoir prise sur l'impensé de sa pensée. Alors après ce long travail que vous avez mené, François Julien, est-ce qu'il vous est facile de dire ce qui manque à la Chine pour ressembler à l'Occident et ce qui manque à l'Occident pour ressembler à la Chine ? Est-ce que ce qui manque à l'Occident, plutôt à la Chine, pardon, c'est le verbe être ? Ou l'idée de néant, ce qui revient au même. Oui, le même. Je dirais que moi, je ne pense pas le rapport entre la Chine et l'Europe dans mon chantier sur le mode ressemblance et différence. Je ne compare pas. Parler d'écart. Oui, parce que la philosophie comparée, à mon sens, est un peu stérile. Ressemblance ou différence, non, c'est plutôt organiser un vis-à-vis réflexif, que l'un se réfléchisse dans l'autre, et donc que chacune des pensées, chacune des langues pensées, réfléchissent dans l'autre son impensé. Alors effectivement, moi ce qui m'a motivé, disons, dans ce départ pour la Chine, c'est que j'ai appris, c'est facile à savoir, qu'il n'y avait pas de verbe être au sens existence en chinois, qu'on peut dire la prédication, je suis ici, je ne peux pas dire je suis. To be or not to be. Et cela est considérable, parce que l'incidence de ça est infinie. Parce que la pensée grecque s'est organisée sur ce socle de l'être, donc d'identité. Et le verbe être, il est dans Homère avant d'être en Platon. C'est donc une ressource de la pensée grecque. Et qu'est-ce que c'est que de penser en passant à côté de l'être? C'est là la question. Et la Chine nous permet cette déviance-là, ou cette dissidence-là, sortir de la pensée de l'être, ce qui a été quand même une grande ambition de la philosophie du XXe siècle, sortir de l'ontologie. Là, il n'y a pas, disons, à déconstruire l'ontologie, il y a à apprendre une langue qui ne l'a pas articulée. Et donc, cette voie royale de la philosophie, qui est l'ontologie, le logos de l'être, se trouve barrée. Et en même temps, comme on sait, la Chine a pensé. Donc comment penser quand ce n'est pas à partir du socle de l'être, quand ce n'est pas dans la pensée d'identité? C'est ce que la pensée chinoise nous amène à penser. Alors c'est ce que, si je comprends bien ce que vous dites, là, François Julien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de parménide chinois. Et pourtant, vous parlez des moïstes. Qui étaient dans l'Antiquité chinoise et qui sont presque arrivés à cette question de l'être. Alors qu'est-ce qui a manqué? Quel est le saut qui a fait défaut? Absolument. Les Grecs de nos Chinois. Oui, il n'y a pas Parménide, parce qu'il n'y a pas les deux voies de l'être et du non-être, esti ou meisti. Et il n'y a pas aussi Parménide, parce que de cette disjonction, cette séparation de la voie de l'être et de celle du non-être, résultait le principe de non-contradiction. Et puis l'opposition de plan entre le plan de l'être, celui du savoir, de la vérité, et puis l'autre, qui est celui de la doxa, dans son inconsistance. Donc voilà, cela n'était pas possible, effectivement. Et c'est vrai que Platon dit bien, Parménide, c'est le père. Hein. Et comment tuer le père, ça fait deux millénaires qu'on essaie de faire, ce fameux parricide de Parménide. Alors, c'est vrai que passer en Chine nous situe hors de ce jeu-là. C'est ce qui m'a motivé. Et donc, de ne pas penser en termes d'être, donc d'identité, parce que la définition de même, c'est rester le même, être le même, pareil à soi. Et aussi, donc, de la vérité. Alors, vous parlez des moïstes. Effectivement, c'est une école de la Chine de l'Antiquité. École, non-école, mais disons, groupement, parce que ce n'est pas des lettrés, c'est plutôt des milieux d'artisans. C'est donc, mais ils ont effectivement élaboré une pensée qui nous fascine aujourd'hui, parce qu'elle a été quand même ensevelie pendant deux millénaires en Chine. Pas l'oublier. Parce que c'est la seule pensée qui ne parle pas du Tao, de la voix. Et qui, effectivement, nous offre des analogies avec la pensée grecque, puisqu'il pense la science, l'optique, puisqu'il pense les procédures de réfutation, le bien, parce qu'il pense donc en définition, puisque pour réfuter, il faut définir. Bref, des éléments logiques qui nous sont familiers. Pourquoi cela n'a pas abouti? Ben justement, parce qu'il n'y a pas d'être. Il n'y a pas eu le socle de l'être, le socle d'identité, qui puisse faire socle de la vérité. Donc il ne pense pas en termes de... Il pense la réfutation, mais sans ancrer cette réfutation dans l'opposition, du vrai et du faux, pour en faire cette catégorie majeure de la pensée européenne qui a été la vérité. La vérité, donc, assise dans l'identité de l'être. Donc c'est un exemple très intéressant parce que c'est une pensée qui s'est trouvée, qui est féconde, et qui s'est trouvé balayé par l'histoire. Avec l'avènement de l'Empire, elle a disparu. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que les Chinois, ayant rencontré la pensée européenne, se disent « mais quelque part on avait ça aussi » et soient allés chercher les lambeaux de la pensée moïste, qui a donc disparu pendant deux millénaires. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, la meilleure édition des moïstes est une édition Graham en langue anglaise. Encore aujourd'hui. Donc il y a quelque chose, parce que ce n'est pas en noir et blanc, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que les pensées sont des ressources. Les langues, les pensées sont des ressources. Et donc on voit comment, dans le cadre l'espace de la pensée chinoise, de la langue chinoise, cette ressource qui est celle, disons, d'une inquiétude scientifique, d'une détermination des choses, et donc d'une organisation logique, eh bien, s'est trouvée ébauchée, mais restée, si j'ose dire, sous-développée. Sous-développée par rapport à son développement ou son hyper-développement du côté européen. Mais l'inverse est vrai aussi. Mais il y a dans l'un de vos livres qui m'a beaucoup marqué, les transformations silencieuses, François Julien, vous dites que justement parce que les Chinois n'ont pas le verbe être, n'ont pas le socle de l'être, la question de l'origine du grand lever de rideau ne se pose pas, de même que ne se pose pas la question de la fin dernière, de l'apocalypse, etc. Pourtant, moi qui ne parle pas chinois, j'imagine que les Chinois nomment des choses, une chaise, une table, et que donc il y a quand même quelque chose qui relève de l'être. Alors, il n'y a pas simplement des processus ou des histoires. Non, mais il y a d'abord cette chose que vous avez dite, à savoir, il n'y a pas de lever de rideau, pas de baisser de rideau, pas de pensée du début premier, de quand ça commence, et du quand ça finit. Tout est en transition. Alors, il y a des consistances. C'est pas, d'abord, le mot chose, il n'est pas indemne. Hein. Il faut le réfléchir. Chose, c'est causa en latin, ce dont on s'occupe. Et puis, il y a le socle de la res, de la, donc, qui implique permanent. Rien n'est plus, à mon sens, abyssal que le terme chose dans notre langue, même si on y est si familier, ou plutôt qu'on ne sait pas comment ça passait. Et effectivement, une des motivations, je le raconte souvent, de mon apprentissage du chinois, c'est quand, à ma première leçon de chinois, j'ai appris que chose se disait est-ouest. Donc, bon, ça, c'est la langue qui le dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est la langue commune d'aujourd'hui. Donc, une chose se pense comme une relation. Pourquoi ? Parce que le monde est pensé non pas en termes d'être, de consistance ontologique, d'identité, mais de ce qu'on appellera de qi en chinois, souffle, vecteur, facteur d'énergie. Et donc, cette énergie, soit elle se coagule et prend la consistance de ce qu'on appelle décor, des choses, soit elle se décoagule, se défait, se diffuse et devient ce qu'on appelle la dimension d'esprit. Donc, c'est une question d'opacité, de consistance, non pas d'être. Les choses, effectivement, alors il y a dans l'opposition des deux, opposition complémentaire des deux chi, yin et yang, il y a un chi, un souffle, un vecteur, facteur d'animation qui est celui de l'alerte, du diffus, donc de l'esprit, c'est le facteur yang, et puis un autre, inverse, mais complémentaire, qui est celui de la concentration, la coagulation, la condensation, et qui est celui du yin. Et donc, il y a, la pensée chinoise évolue entre l'alerte, je dirais, et l'inerte, entre le limpide ou la limpidité, limpidité, il faut dire une meilleure en termes de processus, si j'ose dire, limpidification, et puis au contraire, l'opacification. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que les rochers sont racines de nuages. Entre un rocher et un nuage, la peinture chinoise essaie de le montrer. En fait, il y a de la transition. Le rocher, c'est une condensation, opacification de chi, de souffle, comme le nuage en est sa dilatation, sa dispersion. Donc, ce qui me paraît essentiel, c'est d'interroger ça. Parce que le verbe être nous met dans la pensée de l'identité et aussi dans la pensée de la présence. Présence, c'est être devant, prêt, et c'est identité, c'est être le même. Donc, on a cette pensée de l'identité. Cette pensée de la présence opposée à l'absence, l'être et le non-être, et la grande dramaturgie qui s'est organisée à partir de là, l'être ou le néant. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut sortir de ça. Non pas, cette dramaturgie européenne, elle est fascinante, elle est sublime, enfin, je veux dire, elle a, to be and to be, voilà, ça interroge l'existence. Mais, il y a d'autres façons d'entrer dans la pensée. Et cela me paraît important à considérer parce que, justement, pour mieux faire apparaître ce que la pensée de la présence ou la pensée d'identité ont de singulier, ont d'inventif, et non pas, ne sont pas une banalité, disons, de la pensée. Alors, ce que vous dites de la chose, plutôt de ce que vous appelez la consistance, est-ce que ça permet de comprendre le statut du corps en Chine, du corps humain, et par là, la façon dont la médecine chinoise le considère ? Bien sûr, bien sûr, parce que d'abord le corps, il est traversé de vecteurs d'énergie. C'est ce à quoi s'attache l'acupuncture. C'est qu'au fond, alors que le corps dans la tradition grecque et renaissante européenne a été, il suffit de voir les peintres, saisi dans sa forme et dans sa physique. Du côté chinois, le corps, c'est quoi ? C'est un sac de souffle, d'énergie. Vous regardez les figures d'acupuncture, la forme est très grossière. C'est pour ça, d'ailleurs, j'avais l'occasion de réfléchir un peu, qu'il n'y a pas eu de nu dans l'art chinois. Parce que le nu, justement, c'est la modélisation de cet être-là dans sa beauté canon. Bon. Non, dans la Le sac, c'est comme toute chose, c'est un souffle, c'est un sac. Le corps, c'est un sac d'actualisation. Il faut voir que dans la tradition chinoise ancienne, on ne dit pas vraiment corps. Nous traduisons par corps, parce que c'est le mot qu'on a sous la main. Mais Xing, en chinois, il y a d'autres termes, c'est d'abord dit dans des binômes. Et c'est plutôt je suis quoi ? Je suis une actualisation, une condensation de souffle, d'énergie. Ce qui fait qu'au lieu d'opposer le corps et l'esprit, non, l'esprit fait partie de ça. L'esprit, c'est la dimension la plus animée de cette condensation d'énergie que je suis. Énergie, bon, le terme est encore trop grec, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, voilà, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on pense en termes de tension, donc de condensation, ou disons de dissipation, d'animation, d'état plus alerte ou plus inerte, et qu'il n'y a pas, disons, ce socle de l'être qui fasse séparation tranchée, ontologique, entre l'être et le non-être. En même temps, il faut se souvenir à quel point, pour les Grecs, le terme d'être est abyssal dans son homonymie. La grande question de la pensée grecque, et qui n'est pas épuisée par les Grecs, c'est que il y a une équivoque fondamentale entre être au sens d'existence et être au sens de la prédication. Je suis ici et je suis. Est-ce que les deux sens se relient ? Est-ce que propose Aristote, pros-en, les deux sens se trouvent comme ça, pouvoir se rejoindre, ou est-ce qu'ils sont totalement logiquement dissociés ? La question reste ouverte. Donc je crois, si vous voulez, qu'il y a à la fois une évidence de l'être pour nous, et en même temps, un abîme ou une énigme de l'être. Et que passer par la Chine l'a fait ressortir, cette énigme. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Vous avez donné, François-Julien, plusieurs exemples de binômes, de choses qu'on dit par l'association de deux notions. Comment est-ce qu'on dit intelligent en chinois ? Ah oui, Zhongming. Toujours, oui, on pense par binôme, pourquoi ? Parce qu'on pense justement, comme Est et Ouest, ou pour dire le monde, ciel et terre, Tiandi, on pense par binôme, c'est-à-dire par couple d'opposés complémentaires. Bon. Pour intelligent, c'est Zhongming. Zhong, c'est entendant, Ming, c'est voyant. Je trouve ça très beau. Parce qu'au lieu de dire l'intelligence, on dit entendant, voyant, et entendre avant voir, c'est-à-dire que, et on pense effectivement en quoi entendre et voir, c'est opposé. Parce que voir, c'est directionnel. C'est le sens, oui, du local et du discontinu. J'ouvre les yeux, je ferme les yeux, je regarde ici, je regarde là. Alors que entendre, c'est au contraire, non pas le sens du local, mais du global, j'entends derrière la tête, et du continu. Je ferme l'oreille, mais j'entends toujours. Donc il y a, c'est important que les chinois aient dit entendant avant voyant, parce qu'il y a, l'œil va chercher dans le monde, alors que lui, c'est ce grand cornet qui recueille ce qui vient du monde. Et donc, toute la pensée chinoise de la réception, d'épouser les choses, d'épouser le mouvement, justement, de renouvellement du qi, des transitions du monde, eh bien, c'est bien de lui qu'il s'agit. Ce qui nous ramène à l'inouï. Enfin, ce qui nous amène plutôt à l'inouï, qui est le titre de votre livre, comment vous le définissez ? L'inouï, ce n'est pas du tout ce que le dictionnaire en dit comme le prenant pour le synonyme de extraordinaire. L'extraordinaire, c'est ce qui sort de l'ordinaire, ce qui est rare. Alors que l'inouï, non. Ça peut être le plus commun, le plus ordinaire. C'est ce qui ne s'entend pas. Inouï. Ce qui ne s'entend pas, pourquoi ? Parce que c'est ce qui sort des cadres constitués de notre expérience. Donc ce n'est pas que ce soit rare, ce n'est pas que ce soit extraordinaire, c'est que ça fait effraction, pour être entendu, des cadres installés, assimilés de notre expérience. Et dans ça, je trouve intéressant, parce que penser inouï, c'est donc penser comment fracturer les cadres constitués de notre appréhension du monde, de notre expérience, de notre intelligence. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis venu logiquement à m'intéresser à l'inouï, puisque je viens de cet écart des langues et de ce que peut faire entendre une langue que l'autre n'est pas prête à entendre d'abord, qu'il faut donc déplier pour qu'elle puisse y accéder. Donc l'inouï, me paraît un terme essentiel parce que, d'abord, c'est un terme qui dit cette chose qui me paraît essentielle pour nous, dans la pensée, à savoir essayer d'entendre ce qu'on n'entend pas parce que l'écart constitué de notre intelligence ne donne pas accès. Donc quel est l'effort qu'il faut faire pour accéder à l'inouï, et surtout que ça place l'inouï non pas sur le mode facile de la rareté, de l'exceptionnel, donc ce qui serait comme ça à l'horizon de notre expérience, non, mais faire paraître l'inouï comme étant ce qui est le plus, au contraire, impliqué dans l'expérience, c'est l'inouï de la vie. L'inouï, c'est la vie est inouïe. Par la vie, ben, nous sommes en vie. Elle est inouïe si on ne la lit plus au travers de cadres qui seraient préexistants. Oui, parce que je crois que la question, c'est qu'il faut donc défaire les cadres préexistants de notre pensée pour accéder à cet inouï de la vie qui est ainsi l'inouï du monde, l'inouï des choses, l'inouï de la vie. C'est ça qui est en... À quoi il faut essayer d'accéder en défaisant. Alors, ce que nous dit Nietzsche, n'est-ce pas ? Nietzsche nous dit, nous cessons de vouloir connaître, mais qu'est-ce que c'est que connaître ? Connaître, c'est assimiler. Et donc, parce que le vital, c'est l'assimilation. On assimile physiologiquement, on assimile aussi intellectuellement. Et donc, penser l'inouï, c'est penser comment désassimiler dans la pensée. Sortir de ces assimilations toutes faites et commodes, bien sûr, pour, défaisant cela, accéder à ce qu'on n'entend pas. Et je pense qu'il y a un grand registre de la pensée moderne qu'il a magnifiquement déployé, c'est la poésie. Vous dites par ailleurs, l'inouï est l'autre nom de ce si lassant réel. Qu'est-ce que le réel a de lassant ? Ce sont les cadres par lesquels on le reçoit ? Oui, mais alors là, j'introduis le terme de réel là, dont je me méfie plus que tout. C'est le terme le moins neutre qui soit, réel. Réel, c'est res, la chose, justement. C'est ce qui est, encore une fois, arrivé à la pensée de l'être, l'identité. Je le fais là parce que je passe par Lacan. Donc c'est un emploi particulier, ce terme. C'est Lacan, dans cette sorte de grande trilogie de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Le troisième terme de cette trilogie est le troisième terme qui est le plus difficile à cerner, parce que l'imaginaire, on voit en gros ce que c'est, le symbolique aussi, mais le réel, c'est sur quoi on bute. Et je pense que la pensée de Lacan a cessé de buter, et en tout cas c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, sur ce fameux réel, n'est-ce pas, qui ne se manifeste que par le symptôme. Donc, il m'a semblé qu'effectivement, qu'est-ce que dit Lacan du réel ? C'est que le réel, c'est ce qui revient toujours. C'est ce qu'il appelle revient. Or, il y a dans notre expérience ce qui revient toujours, qu'on ne regarde plus, comme le bleu du ciel, et qui nous lasse. Et justement, ma proposition, c'est de dire, renversons ce lassant, ce si lassant réel, de ce qu'on a toujours sous les yeux, et que par là même, on ne voit plus, comme le bleu du ciel, je pense Lucrèce, parce que c'est là l'allusion que je fais, quand Lucrèce nous dit, rien n'est plus merveilleux que le spectacle du ciel, et en même temps, on en est lassé. Fessus satiate videndi. On est lassé de le voir. Or, c'est vrai de la vie aussi. Qui n'a pas été lassé un jour d'être en vie, ou du visage de l'amante, ou de... Donc ce qui, au fond, parce que cela revient, c'est la vie du couple, n'est-ce pas ? Parce que cela revient, ne cesse de revenir, revient à tous les matins, fait qu'on en est lassé. Et donc, il faut renverser ce lassant en ce qu'il est effectivement, c'est-à-dire de l'inouï, c'est-à-dire qu'on l'a tellement assimilé qu'on n'y a plus accès. Et donc il faut briser les cadres constitués dans notre expérience pour faire réémerger cet inouï du commun, de l'ainsi. Je ne sais pas si on peut entendre l'inouï, ce serait une contradiction dans les termes presque. On va écouter un morceau de musique que vous avez choisi de Debussy, qui s'appelle, je crois, « La mer jeu de vagues ». Thank you. François Julien, est-ce que vous aimez la mer? Et si oui, dans quelles conditions particulières la préférez-vous? Oui, je raconte au début de mon livre le fait que je vais à la mer le soir, à la tombée de la nuit, quand les gens la quittent. C'est là que j'y vais. Donc, je dirais... En Bretagne? Non, là, c'est la mer bleue, la Méditerranée. Pourquoi? Parce que j'aime passer la nuit au bord de la mer sans plus la voir, ou seulement de la clarté des étoiles, dans les dunes entendre son ronronnement. Et donc ensuite le matin, à l'aube, parce que voilà, on se réveille avec le jour, et même avant le jour, aller vers la mer et la découvrir justement dans ce qu'elle peut avoir d'inouï, c'est-à-dire brisant les cadres déjà constitués qu'on a de la vision de la mer, de ce qu'est la mer, de la carte postale de la mer, pour accéder à la mer dans cette aube qui se lève, qui n'a pas encore pris ses couleurs, qui ne cesse de changer de couleur, et qui est totalement comme ça, silencieuse encore, calme, comme un lac. Et donc, une façon de casser ce qui s'est figé en moi, comme en tout le monde, n'est-ce pas, de préconstituer, de préconditionner notre abord de la mer. Et donc, voilà, c'est une stratégie, parce que je pense que... Et mon travail est de plus en plus habité par une stratégie de vie, stratégie de pensée, pour essayer de décoïncider, disons, des évidences, qui sont des pseudo-évidences, qui sont en fait fallacieuses, en tout cas paresseuses, et essayer de ressaisir plus en amont, dans l'émergence inouïe, qui est celle de la vie. Et la mer, alors, m'intéresse aussi, parce que la mer... C'est pas la terre. La terre est différenciée. La terre, on y prend pied. Bref, la terre est installée. La mer, non. Et puis la mer, tout ce qui traverse mon livre, c'est quand même aussi le grand poème de Rimbaud, le bateau ivre. Et donc, le fait que ce bateau ivre est ce qui fait le... Et Rimbaud était un poète de l'inouï. C'est le terme qu'il promeut très souvent. Et l'inouï ou l'inouï dans le bateau ivre, c'est justement pourquoi il est ivre. Parce qu'il est ivre parce qu'il sort des cadres constitués. C'est ça qui fait son ivresse. Et d'abord, qu'il n'y a pas de sujet, de pilote, de marin dans ce bateau. Ils sont tous morts. Et que c'est le bateau lui-même qui est sujet. Et qui est le sujet qui s'aventure dans cette inouï que couvre le poème. Donc, je crois que la mer fait ressource à cet égard. Dans cet appel à défaire les catégories assimilantes de notre esprit. Et tout mon travail d'hier est une sorte de lutte acharnée pour défaire cette logique d'assimilation, que je dirais donc paresseuse, qui nous empêche d'accéder, d'aborder la mer. Donc c'est la promotion d'une sorte d'éveil ou de réveil. Vous citez une anecdote que raconte Rousseau, qui a été renversée par un chien un Ménilmontant, ça l'a fait tomber dans les pommes, si on peut dire. Tout à fait. Et au réveil, il dit ceci, j'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux, comme s'il voyait le ciel pour la première fois. Tout à fait. D'abord parce qu'il est au sol, renversé, donc il le voit comme ça, allongé, et parce qu'il y a eu ce choc du chien fonçant sur lui. Oui, je vois que c'est important parce que je le mets en parallèle avec le cogito de Descartes. La question, c'est comment débuter dans la pensée? Qu'est-ce qui peut faire début? Descartes a ouvert un début dans la pensée, c'est le fameux « je doute, je pense, je suis ». Mais c'est un cogito, qui n'est pas sans dimension d'existence, mais qui est d'abord fondateur de rationalité. Alors que chez Rousseau, c'est l'inverse, c'est existentiel, d'emblée. C'est pas, cette chute et ce moment, le cogito de Descartes, on peut le refaire tout le temps. Là, c'est une situation unique. C'est pas lié à cet accident d'être renversé. Et je joins les deux parce que, au fond, ça pose la question de comment débuter ou, effectivement, comment saisir les choses dans leur émergence et non pas dans leur lassitude. Et non pas, et dans leur essor, je dirais, pour prendre les termes du bouquin, et non pas dans leur étal. Étal, étalé, étalement. Ça, c'est le réel, disons, à son degré zéro d'intérêt. Et au contraire, essayer de le saisir dans son essor. Rimbaud est un poète de l'essor, de l'aube. Vous dites le saisir à ras du phénoménal. Oui, oui, parce qu'après c'est construit. L'esprit construit, l'esprit construit d'ailleurs pourquoi? Pour se rassurer, pour sortir de cette inquiétude première devant l'émergence. Et donc il se rassure, il construit, et en construisant, il en fait des cadres d'assimilation. Et donc de consommation. ce qui est légitime pour vivre. Mais je pense que l'effort de la pensée, c'est justement d'aller contre cette tentation assimilatrice du vivre, de la vie, de la survie, pour se remettre dans cette disposition en amont, plus originaire, qui est de reprendre, d'avoir de nouveaux contacts pour aborder quelque chose qui n'est pas déjà préfabriqué par la pensée. Ça veut dire, si je vous comprends bien, François Julien, que vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Bompier, qui vous a consacré un livre intitulé « Pensée par Ricard, le chantier conceptuel de François Julien ». Il dit ceci: « En Europe, on croit à la méthode, on va donc des idées aux choses. En Chine, on compte sur la stratégie, on part des choses auxquelles on adapte les idées. » Oui, alors, j'éviterai, enfin, c'est toujours par commodité qu'on dit en Europe, en Chine, comme ça, en puissance, mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai parce que nous avons, et c'est légitime. Tu parles de choses, hein. Oui, penser. Oui, mais comment dire autrement en français? On parle de notre langue. Mais la difficulté, c'est que... Vous connaissez l'anagramme de la chose? Oui, mais là. Le chaos. Le chaos, oui. Oui, là, je vous retrouve, là. L'amoureux des anagrammes. Oui, c'est justement ça. J'en ai une jolie pour vous, d'ailleurs. Comment? J'en ai une jolie pour vous, François Julien. Ça donne joli suc infernal. Joli suc infernal. Parfait, c'est ma définition même. Merci. Merci de ce secours. Oui, et effectivement, je dis, il parle en français, donc il redit en termes français, bah oui, le mot chose, bien sûr. Il ne le dit pas en chinois, en est-ouest, mais en même temps, la phrase montre bien qu'il la travaille ou qu'il la renverse, cette notion, puisqu'effectivement, il y a quelque chose qui pour nous était une assurance et qui est belle comme telle, c'est la méthode. Donc, cette idée qu'on peut projeter ce cheminement rationnel en décomposant les difficultés. Je pense que le terme de stratégie est à penser face à méthode, effectivement. Et c'est juste. Quand la méthode n'est plus pertinente, il faut penser la stratégie, le biais, l'obliquité, la ruse, bref, des cheminements, qu'ils soient des cheminements cohérents, mais qui n'aient plus l'assurance de pouvoir comme ça s'engager par projection progressive, divisant les difficultés, bref, tout ce qui est la grande promotion qu'est la méthode cartésienne. Il ne s'agit pas du tout d'y renoncer ou de la renier, il s'agit de voir qu'il y a d'autres façons de cheminer dans la pensée et qui ont d'autres effets, qui ont d'autres ressources. Mais est-ce qu'on peut penser en restant dans l'équivoque? Alors là, j'opposerai les deux. Je pense qu'il faut chasser l'équivoque et par contre explorer l'ambigu. L'équivoque, c'est quand je ne distingue pas entre deux termes et distinction que je devrais faire. Équivoque, c'est dans la parole. L'ambigu, c'est que je suis amené à choisir entre des termes, parce que la langue les a comme ça, quelque chose qui, dans la réalité, ne se laisse pas ainsi cliver. Je prends l'exemple, une victoire ambiguë. J'ai le mot victoire ou j'ai le mot défaite? Est-ce une victoire ou une défaite? Mais non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est inséparable. C'est une victoire ambiguë. Or, je pense que la pensée classique nous a appris donc, à chasser l'équivoque. Ambiguë, c'est l'adjectif de l'antre, finalement. Oui, de l'antre, donc de l'indécision, de ce qui ne se laisse pas trancher d'un côté ou de l'autre. Et je crois que penser, c'est justement chasser l'équivoque, apprendre à penser avec rigueur, et en même temps, explorer l'ambigu. Et pour moi, c'est aussi un peu le tournant entre la pensée classique, obnubilée par l'expulsion d'équivoques, avec la pensée moderne, notamment Nietzsche, pour qui il s'agit d'explorer l'ambigu. Et je crois que la pensée moderne, justement, parce qu'elle a renoncé au socle de l'être et l'identitaire, a découvert la ressource de l'ambiguïté. Et notre vie est faite d'ambiguïté. C'est la vocation de la littérature que d'explorer l'ambiguïté face, disons, à ce qui était le trop facilement... l'isolation tranchée des sentiments, des choses. Quand Lacan parle énamoration, bah oui, haine et amour, il y a quelque chose qui ne se tranche pas oui, entre mais les deux. Dans cette définition que vous donnez de l'ambigu, on voit qu'elle empêche de penser le paradoxe, ou elle le dissout d'emblée. Et est-ce qu'on peut penser sans paradoxe? Kierkegaard disait, le penseur sans paradoxe est comme l'amant sans passion, une belle médiocrité. Est-ce qu'on peut penser sans paradoxe? Ah non, je pense, moi je revendique totalement la pensée du paradoxe. La pensée du paradoxe, pourquoi? Parce que justement, c'est celle qui permet de fracturer la pensée déjà figée et d'accéder à l'inouï. Donc le paradoxe, pour moi, est une... justement, et c'est, je crois, la pensée de l'ambiguïté et la pensée du paradoxe vont de pair. Ce sont les deux grandes pensées, des modalités de pensée promues dans notre modernité, qui est justement de ne pas se limiter au cadre installé de la pensée qui constituait la rationalité, pour donner sa chance à... ce qui ne se laisse pas trancher, l'ambigu, ou de ce qui prend le contre-pied de la pensée installée, déjà, la pensée jugée adéquate, mais qui n'est qu'une adaptation de la pensée. Donc le paradoxe sont ces ressources. Là, je suis tout à fait nietzschéen et kierkegaardien dans la façon d'associer les deux. Mais est-ce qu'on peut penser sans prendre position, sans s'engager? Alors, vous dites que le lettré chinois n'est pas l'équivalent d'un intellectuel tout à fait. Comme par chez nous, parce que l'intellectuel, justement, il conclut, il s'engage, il prend une option, il laisse pas les cons possibles coexister. Tout à fait. Je crois que l'intellectuel, c'est quelqu'un, justement, qui bénéficie du socle de l'être et de la vérité. Et il a au nom de quoi résister? Au nom de quoi dire j'accuse? Voilà. Et je pense que le lettré chinois, ça a été sa faiblesse. C'est qu'il est resté lettré, c'est-à-dire, et c'est le propre de la langue chinoise, d'obliger à ce long apprentissage des textes, des commentaires, de cette éducation lettrée qui est, la base de la culture classique en Chine. Mais le lettré est resté vassal du pouvoir. Il est resté à l'ombre du prince parce qu'il n'avait pas justement une autre dimension à faire valoir que celle des transformations du monde, que celle du pouvoir. Il n'avait pas, si vous voulez, constitué ce socle d'idéalité que porte chez nous notamment la vérité, mais aussi bien le juste. Enfin, toutes ces idéalités promues par la pensée grecque, les idéalités du platonisme, et qui, au nom de quoi on pouvait juger le monde. Je pense que la difficulté de la pensée chinoise, de la pensée politique chinoise, qui fait qu'il y a une pensée de la politique en Chine, mais non pas une pensée du politique, c'est-à-dire de ce qui constitue l'idéalité politique, c'est qu'il n'y a pas justement cette autre dimension d'idéalité jugée sur l'être, juger sur l'identité, juger sur quelque chose qui peut être ce au nom de quoi, eh bien, on dénoncerait, l'évolution des choses. Donc on ne peut pas imaginer que le président chinois convoque un jour dans son palais, s'il faut l'appeler comme ça, une soixantaine de lettrés chinois pour discuter avec eux. On ne peut pas l'imaginer pour beaucoup de raisons. D'abord celle-là, philosophique, puis il y a d'autres raisons politiques. Mais disons que, effectivement, cela a limité la possibilité du débat. Il y a des moments où la pensée chinoise débat. Par exemple, à la fin de l'Antiquité, sur la nature humaine, ou à l'époque, en réaction des Song, à partir de ce qui vient d'Inde, du bouddhisme. Mais disons, il y a une idée quand même qui traverse la pensée chinoise, c'est que débattre est un peu vain. C'est un peu une dépense d'énergie. C'est manier le pour et le contre. Et donc, c'est rater quelque part la capacité d'épouser la cohérence des choses, se brancher sur, le cours du monde. Donc il y a quand même foncièrement en Chine l'idée qu'il faut épouser, s'adapter, alors que l'effort de la philosophie côté grec, c'est de refuser cela, même si on ne le refuse jamais vraiment ou totalement. Mais disons, c'est de pouvoir faire travailler le négatif. Et il me semble que la grande vertu de la pensée européenne, c'était cette fécondité du négatif, qui n'est pas seulement le sens critique, qui est la capacité de faire dissidence, ou de décoïncider, alors que la pensée chinoise est globalement une pensée de la coïncidence. Justement, coïncidence, plutôt décoïncidence, c'est un mot qui vient souvent sous votre plume. Est-ce que vous faites un parallèle entre ce que vous dites de la Chine et puis l'avènement de la physique moderne avec Galilée, où on comprend que, pour comprendre les phénomènes, il faut trouver des stratagèmes intellectuels pour qu'ils décoïncident avec ce qu'ils nous montrent. Autrement dit, les lois physiques, au sens moderne du terme, hein, comme la chute des corps pour Galilée, le principe d'inertie, sont des lois dont l'énoncé contredit le spectacle du monde. Absolument. Au moins au premier abord. Et c'est ce qui fait que la question qui reste, c'est pourquoi il n'y a pas eu Galilée chinois. Ça se comprend très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette rupture entre une modélisation et une expérimentation. Et il n'y a pas eu d'abord cette idée qui a été la grande idée de Galilée, qui est que les mathématiques sont un langage, et même le langage dans lequel Dieu a écrit le monde. Il y a des mathématiques en Chine, comme on sait, mais c'est des procédures transformationnelles. C'est des algorithmes, souvent très élaborés. Mais il n'y a pas eu ce qui fait rupture. Et c'est une question que les Chinois se sont beaucoup posées. Pourquoi on a raté la marche galiléenne? Pourquoi on trouve, et Needham a écrit magnifiquement là-dessus, le fait qu'on trouve en Chine l'équivalent de Tartaglia, même de Léonard, peut-être pas le génie de Léonard, mais disons, ce qu'on appelle les mathématiciens ingénieurs. Mais l'étape suivante, Galilée, non, pas du tout. Or, ça a été essentiel pour, dans l'écart qui s'est creusé entre les deux cultures, les deux bouts du grand continent, la Chine et l'Europe, c'est qu'il n'y a pas eu de Galilée chinois. Et je pense qu'il n'y a pas eu de Galilée chinois justement pour cela. Parce qu'il n'y a pas eu, détachement d'un plan de la modélisation, donc par les mathématiques, du plan de ce qui va pouvoir être, non pas seulement l'expérience, mais l'expérimentation. Au point que tout en Chine reste quand même dans l'expérience. Et qu'il n'y a pas cet autre plan à partir duquel on peut justement idéaliser, modéliser, mathématiser, enfin, toutes ces opérations-là qui ont permis d'avoir une prise nouvelle sur l'expérience. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a que de l'immanence, on peut le dire comme ça. Ah non, ça je ne dirais pas ça. Il y a une transcendance en Chine, mais par totalisation de l'immanence. C'est ce qu'on appelle le ciel. Donc il y a une transcendance, il y a l'idée d'un dépassement, paysage de là le paysage, saveur d'au-delà la saveur, il y a l'au-delà, mais un au-delà qui ne se détache pas en autre plan. Il y a donc du dépassement, mais un dépassement qui ne porte pas à ce que Platon appelle la conversion, c'est-à-dire ce qu'il appelle le topos ton eidon, le lieu des idées. Il n'y a pas d'autre lieu constitué qui serait le lieu de l'esprit, de l'idéalité, de l'absolu, de la vérité, etc., par rapport au plan, à l'expérience. Donc il n'y a pas de plan. Mais il y a transcendance dans la mesure où il y a dépassement, mais ce dépassement, il est comme une totalisation et une absolutisation de l'immanence. Il ne voit pas sur un autre plan vis-à-vis de l'expérience. Mais François-Julien, quand Bachelard, par exemple, dit à partir de Galilée, faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire obliger son cerveau à accepter autre chose que ce que ses pensées réflexes lui imposent. Est-ce que ça renvoie à cette idée de décoïncidence? Oui, mais je crois que ses pensées, c'est ça. C'est pas seulement la physique, c'est pas seulement Bachelard. Je pense c'est que dire non. C'est la définition de la pensée. Penser, c'est penser contre. Je vois pas d'autre définition à contre la pensée. Soi-même. Contre soi-même, bien sûr. Ce que disait Bergson, tout philosophe vient dire non au philosophe précédent, je dirais de tout philosophe par rapport à lui-même. Tout philosophe ne cesse de se dire non à lui-même s'il ne pense plus. Il a chaussé les pantoufles de l'esprit. Non, je crois que penser, c'est ça. C'est penser contre ce qui s'est figé dans la pensée, c'est penser contre la pensée installée, et c'est d'abord penser contre la langue. On pense en langue, mais en même temps on ne cesse de penser contre la langue. C'est ça que dit l'inouï. Pour le coup, j'ai une belle anagramme pour vous. Penser contre soi-même, pour anagramme, comme serpenter en soi. C'est tout à fait, c'est les deux à la fois. Serpenter en soi, parce que cette capacité à penser contre soi, il faut qu'elle ait cheminé, serpenté, c'est beau le serpent qui conduit à la pomme, n'est-ce pas? C'est donc, il faut ça effectivement, il faut ce cheminement silencieux en soi pour commencer à élaborer des prises qui permettent de dire non à ce qui n'est pas l'impensé, ce qui est le non-pensé de sa pensée. C'est pas l'impensé. C'est pas la pensée qui fait à quoi la pensée est adossée. C'est, disons, la pensée paresseuse, c'est-à-dire la pensée installée, la pensée de ce qui est oui. Il faut donc essayer de fracturer cela pour accéder à l'inouï. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, vous citez souvent votre ami Philippe Rath, auquel d'ailleurs vous dédiez l'un des deux livres que j'ai cités. Et lui essaie de définir l'écart, qui est une notion fondamentale dans votre œuvre. L'écart est la juste distance qui établit l'entre. C'est la modulation de fréquence de l'intimité séparatrice. Bon, j'adore cette formule, mais est-ce que vous l'approuvez et comment est-ce que vous la comprenez? D'abord, je la comprends par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est que l'entre n'est pas de l'être. Le between, n'est-ce pas, c'est pas de l'être, donc c'est une sorte d'ontologie. Parce que l'entre n'a pas de propriété, n'a pas d'en soi. Est-ce que c'est pas la promotion du en même temps dont on parle beaucoup aujourd'hui? Non. L'entre, c'est pas. Alors, et c'est pas non plus l'intermédiaire. C'est pas le neutre, le ni l'un ni l'autre. Non, l'entre, c'est. Ce n'est pas de l'être parce que c'est ce qui n'a pas de propriété, qui n'a pas d'en soi, qui n'a pas d'essence. L'entre n'est pas de l'être. Et en même temps, parce que l'entre n'est pas de l'être, il est opératoire. Parce que c'est là par où ça passe. Et il faut donc penser, je pense que la philosophie classique européenne n'a pas pensé l'entre. Elle n'a pas pensé le métaxu des Grecs, elle a pensé méta de la métaphysique. Parce qu'elle n'a pas pensé l'entre, elle a pensé l'au-delà de la métaphysique. Et donc je vois que nous avons à penser l'entre comme notion justement féconde. Bon, vivre, c'est être dans l'entre. C'est pas entre la naissance et la mort, c'est de l'entre, c'est déployer cet entre. L'entretien, c'est ça, entretien. Donc il y a quelque chose que nous ne savons pas penser, en tout cas dans la pensée traditionnelle de l'Europe, et que la pensée moderne nous donne à penser. J'ai souvent cité Braque quand il dit qu'il faut peindre entre la pomme et l'assiette. Entre, bah oui, c'est là que ça se passe, entre. Parce que nous, les Grecs ont pensé l'entre sur le mode de l'intermédiaire, l'entre-deux. Entre les hommes et les dieux, il y a les héros. Entre le savoir et l'ignorance, il y a l'opinion. Donc cet entre-deux, entre le noir et le blanc, il y a le gris. Or, l'entre, en fait, c'est pas ça. C'est parce que l'entre n'a pas d'en soi, n'a pas d'essence, n'a pas de propriété, parce qu'il n'est pas de l'être, il est donc opératoire. Et ça, c'est une chose que la pensée juive ne cesse de nous dire. Cette opérativité de l'antre, ça se passe. C'est dans l'antre que ça se passe. C'est pas dans les opposés, les anti-kéiména, comme disaient les Grecs. Non, c'est dans l'antre qui permet le passage, qui permet que, Est-ce que c'est là qu'agit ce qu'on appelle le Tao? Ah bah pour la vision chinoise, oui, et dans la peinture chinoise, n'est-ce pas? Passage fameux où on dit comment peindre un cheval, est-ce qu'on va peindre la crinière, la mangeoire, tout ça? Oui, il faut bien le peindre, sinon il n'y a rien. Mais en même temps, ça, ce qu'on peint, c'est entre le fouet, la cravache, et le pelage du cheval, ça se passe entre. C'est là qu'il y a la fougue du cheval, n'est-ce pas? Elle est dans l'antre. Et donc, peindre l'antre, c'est pour ça que la peinture chinoise privilégie le soir, entre le jour et la nuit, privilégie justement les zones de brouillard, qui permettent justement de ne pas se laisser absorber, ou disons, accaparer par ce qui serait la détermination des choses, mais qui est justement le passage du flux animant de ce qui est donc ce rapport, ce qui ne cesse d'animer le visible, sans être pour autant... Eh bien, l'intelligible métaphysique. Alors, quand on vous écoute, ou surtout quand on vous lit, François Julien, on a l'impression que votre œuvre, elle est intégralement philosophique. Et pourtant, en 2010, vous avez reçu en Allemagne le prix Hannah Arendt pour la pensée politique. Est-ce que vous comprenez que votre œuvre soit lue politiquement? Oui, et j'y tiens. Et si oui, dans quel sens? Quel est le message politique, si on peut dire? Parce que je crois qu'il y a deux façons d'avoir une présence politique dans la pensée. Soit l'une qui est de prendre position, dire son opinion, le pour et le contre, qui était un peu la façon de l'époque précédente, un peu la façon à la Sartre, c'est pas ce qu'on appelait l'engagement. C'est pas ma façon de faire. Moi, c'est pas au début de mes livres qu'on trouve une dimension politique, c'est à la fin de mes livres. Non pas vraiment leur conclusion, mais disons leur aboutissement. Et je crois que il s'agit pas pour moi de prôner un engagement de façon qui me paraît souvent dire théâtrale, et très souvent renversée d'ailleurs. En montant sur son tonneau, à la façon de Sartre, jusqu'à Foucault, je dirais, n'est-ce pas? Je trouve ça un peu théâtral et souvent douteux, parce qu'il s'agit en fait de positions qu'on arbore d'autant plus, avec d'autant plus acharnement, qu'ensuite on peut y renoncer et, disons, s'en détacher. Là, il s'agit d'opérer politiquement dans la pensée, c'est tout autre chose. Ce qui m'a conduit d'ailleurs à écrire un petit livre, « Il n'y a pas d'identité culturelle ». Mais nous défendons les ressources d'une culture, qui est un livre éminemment politique, politique de bout en bout, mais qui venait là justement dans une sorte de prolongement de mon travail philosophique. Donc pour moi, avoir une pensée politique, c'est une pensée qui s'engage en cité à partir de l'élaboration philosophique dans laquelle on s'est engagé. Donc c'est la dimension, l'incidence politique d'une pensée qui d'abord est une pensée proprement philosophique dans ses concepts, disons, qu'on a évoqués, mais Pamplinouï a une dimension politique. On dit toujours il faudrait l'utopie. L'utopie me paraît assez stérile, en fait. L'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu. Mais l'inouï, c'est-à-dire fracturer les cadres constitués de la pensée, de l'expérience, pour, disons, accéder à quelque chose qui est le plus commun, le plus ordinaire, mais qui ne s'y laisse pas entendre, me paraît effectivement avoir une résultante politique. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure, François Julien, comme quelqu'un qui, intellectuellement, est dans un état de superposition quantique. Et comment est-ce qu'un Chinois comprendrait, par exemple, le fameux chat de Schrödinger, qui est la superposition d'un chat vivant et d'un chat mort? Est-ce que c'est une notion qui lui paraîtrait moins curieuse que pour un occidental? Si on pense en termes de non-dualisme, si on s'entend pour dire que le dualisme, c'est-à-dire la séparation ontologique entre des plans ou des modes d'être, je dirais que oui. Sans doute une capacité, disons, d'évolution de la pensée n'étant pas comme ça d'emblée soumise à une séparation des plans, de l'être et du non-être, etc., qui fait que la pensée chinoise... Mais j'hésite à la généraliser ainsi. Je dis toujours la langue pensée chinoise et j'évite de... Je ne voudrais pas faire des mondes de pensée. Je ne suis pas hegelien. Il ne s'agit pas d'opposer telle pensée à telle autre. Il s'agit de voir, pour moi, je pense les pensées comme ressources. Ce qui m'intéresse en Chine, c'est en quoi elle est ressource, la langue pensée chinoise, pour décoincer des coincements de ma pensée. Hein, pour justement réentendre ce que je ne sais pas entendre. redonner accès à de l'inouï dans la pensée. Mais il me semble qu'il y a donc des ressources. Et la pensée joyeuse, effectivement, bénéficie de cette ressource, je dirais, évolutive dans la pensée, ne se laissant coincer d'aucun côté, mais qui a son coût, son prix. Notamment ce qu'on a dit de ce qui n'était pas, ne s'était pas, disons, déployé en Chine, un plan de l'idéalité. L'idéalité implique une coupure avec l'expérience. Alors Alain Badiou, qui est un philosophe qu'on peut qualifier d'engagé, a écrit un article sur vous-même qui s'appelle Julien l'apostat, et la première phrase est « Ce que j'aime chez François Julien, c'est qu'il n'est pas un sinologue ». C'est une drôle de façon de vous défendre. Oui, mais elle est rusée. Il faut de la ruse dans la pensée. Oui, parce que qu'est-ce qu'on appelle être sinologue ? Si c'est se confiner en sinologie, c'est-à-dire écrire des monographies avec beaucoup de notes en bas de page pour montrer qu'on est savant, je n'en suis pas. Si c'est s'engager pour la Chine comme la vocation de sa vie, je n'en suis pas non plus. Pour moi, la Chine, c'est un grand levier théorique. C'est un opti. C'est une immense capacité opératoire pour l'esprit. Donc, je suis sinologue au sens où j'ai appris la langue chinoise, je ne cesse de l'apprendre, lire et commenter. Mais pas que, parce que pour moi, la sinologie sert à penser. Et je crois que c'est... Alors, on me l'accorde ou pas, ça, on peut ne pas accepter ce risque-là. Mais le passage par la Chine, c'est justement d'élaborer des prises d'intelligence. C'est pour opérer philosophiquement. Donc, pour moi, entre sinologie et philosophie, il n'y a pas opposition, il y a au contraire communication. C'est une façon de... Parce qu'au fond, il faut voir aussi dont je suis parti en philosophie. D'une philosophie de la déconstruction. Et j'ai eu le sentiment que la philosophie de la déconstruction déconstruisait du dedans. À partir de la grande tension, parce qu'on sait bien que quand on prend ses distances à l'égard de la philosophie des Grecs, qu'est-ce qu'on fait en Europe ? On se réadosse à la pensée hébraïque. C'est Hegel. Bonheur grec, conscience malheureuse, juive. C'est Nietzsche, le grec, le juif. C'est Kierkegaard, Abraham face à Socrate. C'est cette tension-là. J'ai voulu sortir de cette grande source d'inspiration, magnifique comme elle est, pour aller en Chine entendre d'autres paroles de l'origine que celles qui constituent le logos et la révélation du côté européen. Mais il s'agissait donc d'une voie philosophique, d'une dissidence ou d'une... La Chine, c'est ma décoïncidence. Ma décoïncidence au sein de la philosophie, mais bien sûr pour remettre en chantier la philosophie. Mais la physique est aussi une forme de décoïncidence. Je pense aux pensées. Toute pensée est décoïncidence, sinon elle ne pense pas. La pensée dans la coïncidence, elle est, disons, elle conduit à la pensée faible. Penser, je pense que c'est essentiellement décoïncider pour ouvrir d'autres chemins possibles de la pensée. Vous avez posé une fois la question de savoir si la fadeur ne serait pas la première qualité du sage. En vous écoutant, je me demande si vous êtes vraiment sage, François Julien. Ah, je ne suis pas du tout. Merci en tout cas d'être venu à la conversation scientifique. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Éric Boisset et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.